إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما هي أول بدع ظهرت في عهد الصحابة Combien de bid'ahs qui sont parus alors que le Sahaba est encore vivant? Khawarij ou Rawafid. Et par la suite? Qadariya ou Murji'a. Qadariya ou Murji'a. Ahsant. Et Etan Mouriya. Aina Tadmour. C'est une ville qui s'appelle Tadmour. C'est où Tadmour? Cham. Non? Souria. Ouais, c'est Syrie. C'est qui le mouallif d'origine? Moutaymiya. Taïb, Nabda, Inch'Allah. Qala al-mouallifu, rahmahou ta'ala. Bab, mufassil. Al-kalam fi al-tawhid. والصفات وفي الشرع والقدر donc là il va commencer à rentrer dans le sujet du livre au fur et à mesure par étape et faire les tafasil lorsqu'il y a besoin قال الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات min qibl al mutakallim. Donc les paroles sur le tawhid et les sifat sont du sujet de l'information entre la négation et l'affirmation venant de qui? De mutakallim. C'est que le mutakallim c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al muqabil bit tasdiq ou al takdhib min qibl al mukhatab. Et qui lui est d'un sujet d'acceptation ou de refus de la part de qui? De celui à qui tu parles, c'est-à-dire la créature. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe du tawhid des sifat, et cela est basé sur le nafi ou l'isbat. Il t'en informe à toi, en tant que créature. Et la créature, elle, comment se comporte? Elle sait où elle accepte ou elle refuse. Quand on dit elle accepte ou refuse, c'est pas là le choix. C'est ce qui se passe en fait. لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات وعما يستحيل عليه الشرك والنقص ومتماثلة المخلوقات. Pourquoi? Car c'est un khabar qui est obligatoire pour nous d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ce dont il nous informe dans la perfection des sifat et dont il est impossible qu'il ait un associé en cela ou un manque, ou un exemple similaire dans la création. مثال ذلك قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Un exemple pour cela, dans le sens où Allah dit Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui, le vivant, le Qayyum. Qayyum, c'est celui qui se tient par lui-même et qu'il n'a besoin de rien d'autre, et par qui les autres se tiennent. Qu'il n'ait point pris de sommeil, de somnolence et de sommeil. Surat al-Baqara, verset 225. Et il a dit, Azza wa Jal, La ilaha illahu. Il a dit, nulle divinité, c'est-à-dire d'être adoré, en dehors de lui. Ithbat al-Tawhid, wa fi qawlihi, الحي القيوم إثبات كمال الصفات. Donc lorsqu'il dit la ilaha illahu, il a affirmé le tawhid. Et dans sa parole الحي القيوم, il a fait quoi? Il a affirmé la perfection dans les attributs. الحي القيوم, celui qui a la vie parfaite sans début et sans fin. Et le قيوم qu'on expliquait. وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم, qu'il n'est pris ni de somnolence ni de sommeil. نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. C'est-à-dire que là, il a renié tous les manques, et ce reniement inclut lui son opposé, qui est le fait d'affirmer les perfections dans les sifat. Donc là, le khurasa, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé du tawhid dans ses sifat, qu'il est le seul à les avoir, avec affirmation ou négation. Il affirme ce qui lui revient et renie ce qui ne lui convient pas. D'accord ? Et nous, soit notre statut par rapport à ça, c'est ou accepter et croire, ou refuser et démentir. Bien que l'obligation, c'est de croire et d'accepter. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم. Quant au fait, son kalam qui est lié à la législation et au qadar, lui, c'est quoi? C'est le sujet d'une demande qui tourne entre l'ordre et l'interdiction de la part de celui qui parle, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il dit qui est lié au qadar et à la législation, c'est ce qui est lié au talab, ce qui est attendu de nous, ce qui tourne entre l'ordre et l'interdiction. المقابل بطاعته او المعصيه من قبل المخاطب, c'est-à-dire que ce qui est reçu par cela comme étant l'obéissance ou la désobéissance de la part du mukhatab, qui est la créature, c'est-à-dire le mukallaf. Soit il accepte et l'obéit, soit il refuse et désobéit. D'accord. لان المطلوب اما محبوب لله ورسوله فيكون مامورا به واما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. Car ce qui est attendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qu'il aime lui et son messager. Donc ça serait une chose qu'il va ordonner. Ou une chose qu'il n'aime pas et que son messager n'aime pas. Donc une chose qui sera interdite. مثال ذلك قول الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Que Allah, un exemple de cela, que Allah dans le sens où il dit et adorez Allah et ne l'associez rien du tout. Sourate An-Nisa, verset 36. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ. Dans sa parole, lorsqu'il dit adorer Allah, qu'est-ce qu'il y a là? Il leur donne de l'adorer. Donc ça, c'est quoi? الْأَمْرُ. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ne lui associez rien du tout. Là, c'est النهي عن الشرك به. Il a interdit de lui associer quoi que ce soit. Donc ça vient ce qu'on a dit. Soit il ordonne, soit il interdit. Dans le shara, il t'ordonne une chose ou il l'interdit. فالفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وفي حقيقتيهما وحكمهما معلوم. فالواجب على العباد إزارة خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به وعلى ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذب معه. La différence entre le khabar et le talab dans leur réalité et leur jugement est connue. L'obligation pour le serviteur au khabar d'Allah de son messager, c'est de le croire, d'y avoir foi, comme Allah l'a voulu et comme son messager l'a voulu. On doit l'accepter, non le démentir. On avait dit quoi? C'était quoi le khabar dans sous les fiqh? Là, ça revient, ça ressemble à ça. الذي يتضمن التصديق والتكذيب. C'est une chose que tu peux soit démentir, soit affirmer. D'accord? Donc ça vient à ça, le khabar. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ta forme de choses, toi, tu as la coudra d'accepter, tu dois accepter, ou tu peux aussi démentir. Ça, tu n'as pas le droit de le faire, mais Allah t'a mis en toi le libre choix. إيمانًا به لا كفر معه. Que tu dois y croire avec foi et non y croire. ويقينًا لا شك معه. Avec certitude, sans aucun doute. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Donc Allah dans le sens il dit justement par rapport à ça, vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager et au livre qu'il a descendu sur son messager et le livre qu'il a descendu auparavant. Quand on dit le kitab, c'est tous les kutub en fait. Et celui qui mécroit en Allah et en ses anges et en ses livres et aux messagers et au jour dernier, c'est certes égaré d'un égarement évident. Sourate An-Nisa, verset 136. Donc ça, c'est ce qu'on doit, comment nous on doit faire face au khabar c'est l'accepter et y croire. D'accord ? Avec certitude, sans doute, y avoir foi. Y avoir foi. Wal wajibu ala al-ibad izara al-talab imtithaluhu ala wajh alladhi aradahu Allah wa rasuluhu min ghayri ghuluwin wala taqsir. Maintenant, comment l'ibad doit faire face au talab, c'est-à-dire la demande, l'attente? Ils doivent l'observer tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et ce qui sont messagers, sans exagérer et sans être laxiste. Sans exagération et sans laxisme. فَيُؤْمِنُونَ بِالْمَأْمُورِ وَيَجْتَنِبُونَ الْمَحْظُورِ. Ils doivent فَيُقِيمُونَ الْمَأْمُورِ وَيَجْتَنِبُونَ الْمَحْظُورِ. C'est-à-dire qu'ils appliquent les ordres et évitent les interdits. لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتِّقُوا اللَّهَ وَاتِّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ صُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et son messager et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. Ne soyez pas comme ceux qui ont dit: nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. Certes, les pires des bestiaux auprès d'Allah sont les muets, sourds et muets, on va dire. Ceux qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait su en eux un bien, il les aurait fait entendre. Et si jamais ils avaient entendu, ils se seraient détournés. Sourate Al-Anfal, le butin, versets 20 à 23. Donc là, on a pris quoi dans ce fasl? On a deux choses. Le khabar, ce que Allah nous a informé par rapport à ses sifat, le tawhid. Ça, qu'est-ce qu'on a face? Comment on doit agir face à cela? Y croire et l'accepter. Tout comme il est possible que le serviteur démente et le refuse. Et par rapport au char et au qadar, qu'est-ce qu'on a? C'est, ça tourne entre deux choses. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou ce qu'il a interdit. Donc là, les ibad par rapport à ça ont deux cas de figure. Soit ils obéissent aux ordres et délaissent les interdits, soit ils obéissent. L'un et l'autre. D'accord? Et le talab, ça rentre dans quel bab? On avait dit, Inch'Allah. Tu ne peux démentir, mais tu ne peux que... Ça rentre dans une demande. Soit un ordre, soit une interdiction. C'est une attente qu'on a de toi. قال فصل فصل يعني une séparation d'un point à un autre dans un livre, un peu comme un chapitre, mais ou adna min zalika. Donc là, ce fasl va dans le asl du tawhid, des sifat et leur preuve. قال إذا تبين ذلك فها هنا أصلا. Maintenant, si tu as compris ce qui vient de précéder, maintenant il y a deux fondements. Maintenant, en lisant, il en cite un, et le deuxième, il ne le précise pas. قال الأصل الأول في الصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيلا بلا تعطيل كما جمعه الله تعالى وبيناهما في قوله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Donc le premier fondement, c'est quoi? Il est dans le sifat. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, que tu dois décrire Allah comme c'est décrit lui-même. D'accord? Et comme ses messagers l'ont décrit également. En affirmant ce qu'ils ont dit, ce qui était authentique dans leurs paroles, bien évidemment. Sans comparaison. Vous voyez? Tanzihan, c'est-à-dire en le dénuant de tout défaut. Bila ta'til, sans annuler ou supprimer quoi que ce soit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre ces deux points-là dans sa parole où il dit, il n'y a rien qui est comme lui, dans le sens où il dit, il n'y a rien qui est comme lui. Il est certes l'audient et le clairvoyant. Surat al-Shura, la consultation, verset 11. Allah nous décrit comme il s'est décrit lui-même et comme l'ont décrit ses messagers, sans comparer, voyez, et en le dénonçant le tout défaut, et sans annuler ce qu'il a cité de lui-même. فقوله تعالى ليس كمثل شيء نافي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل. Lorsqu'il dit, dans le sens, il n'y a rien qui est comme lui, c'est une négation qui, elle, implique la perfection de ses attributs. Et ce verset-là annule le minhaj des gens de la comparaison. Ceux qui comparent Allah à ses créations. D'accord ? Pourquoi il dit « Laysa kamithlihi shay », il n'y a rien qui est comme lui. Donc on ne peut le comparer à sa création. Et sa parole, « وَقَوْلُهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِذْبَتْ لِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَيَبْتَلْ لِمِنْهَجِ أَلْتَحْرِيفُ وَتَعْتِيلُ. » Donc dans sa parole, lorsqu'il dit « Il est l'audient et le clairvoyant », il a affirmé ses noms et attributs, et cela, ce verset-là annule le minhaj des gens du tahrif et du ta'til. Tahrif, ce qui altère les textes, et ta'til, ce qui les annule. Et le tahrif peut être, lui, lafzi ou ma'nawi. Les gens peuvent changer les mots, ou alors ils laissent le mot comme il est, mais ils en changent le sens. Ça s'appelle tahrif. Ou ta'til, lui, c'est le fait de refuser le sens réel. Voyez, le sens réel avec lequel est venu le kitab wa sunnah. قال فنثبت ما اثبته الله تعالى لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير التحريف ولا التعطيل. Donc nous, on affirme ce qu'il a affirmé, et on refuse ce qu'il a refusé, sans faire le tahrif ni le ta'til, sans altérer ni annuler. ومن غير التكييف ولا التمثيل. Sans chercher le comment ni un équivalent. وهذا ومنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد وله دليلان أثري ونظري. طيب avant cela, donc on dit, ça c'est justement, c'est la voie à suivre et sereine et obligatoire, ce qui est bâti sur la science et la sagesse, d'accord, et la justesse dans la parole, dans la croyance. Affirmer ce qu'il a affirmé et refuser ce qu'il a refusé, et sans annuler, sans altérer, et sans chercher le comment ni la comparaison. لو دليلان أثري ونظري وإن شئت فقول سمعي وعقلي. Et cela, il a deux dalil, ce manhaj qu'on vient de prendre là. Soit أثري, c'est-à-dire سمعي, basé sur le dalil, quand on dit سمعي, ce qui vient des textes, ونظري وعقلي, ce qui est basé sur quoi? Sur la raison. Et ça ressemble à ce qu'on a pris dans, sous le fiqh, t'appelles, العلم مبني على ماذا؟ النظري والضروري. النظري, celui qui a besoin d'un texte. والضروري, ce qui est basé sur une chose évidente. Mais la chose évidente, on a dit qu'elle était relative. Et en réalité, c'est évident pour certains et pas forcément pour d'autres. قال أما الأثري يعني السمعي فمنه قول الله تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Parmi les adillah qui sont basés sur les textes, athari wa sam'i, Allah dans le sens où il dit, et à Allah sont les noms les plus beaux. Invoquez-le donc avec, et délaissez ceux qui blasphèment dans ces noms, et ils seront rétribués en fonction de ce qu'ils ont fait. Surat al-A'raf, verset 180. Et il dit également, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui est comme lui, et l'audient et le clairvoyant. La consultation, verset 11. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. N'attribuez pas à Allah d'ego, car Allah sait et vous ne le savez pas. Sourate des Abeilles, verset 74. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَكْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Alors, ce soir, Allah, il dit, et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, l'ouïe et la vue et le cœur, tous seront interrogés. D'accord? Tous seront interrogés. Donc ça, ça vient te démontrer ces versets que Allah t'a dit qu'il est le plus beau nom. D'accord? Qu'il n'y a rien qui est comme lui. Et que toi, tu n'as pas à parler sans science. Alors, le Khurasam, il a dit l'adillah. وَمَّا النَّظَرِي وَالْعَقْلِي فَلِيَنَّ الْقَوْلِ فِي أَسْمَعِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ الْمَحْزِ الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. Donc il a dit justement le dalil qui lui est basé sur la raison, c'est que le fait de parler sur Allah dans ses noms et attributs, ça c'est une chose qui découle du khabar mahd, c'est-à-dire des choses que Allah nous a informées, qui n'est pas possible nous avec nos raisons de connaître les détails. Ce n'est pas possible. Donc nous, on doit s'arrêter à quoi ? Au texte. On s'arrête à quoi ? Au texte. Demain, il ne te sera pas possible d'attribuer une chose à Allah sans que Allah l'ait dit lui-même. Tu ne pourras pas savoir. D'accord ? Tout comme il ne te revient pas de refuser une chose que Allah s'attribue à lui-même. Car tu ne sais pas ce qui peut en découler. D'accord ? Tu t'arrêtes au texte. Donc la raison suit les textes. Mais la raison, on l'a mis au service des textes. Et non pas comme font certains qui mettent la raison en avant sur le texte. Et ça, il va en parler également sur le kitab. Al-Yum, c'est Naqifuna, Inch'Allah. Et le Khurasa, qu'on a appris, Fibab Al-Yum, c'est que le Tawhid dans le Sifat, c'est un khabar qui provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est basé entre Al-Nafi ou l'Ithbat. Des choses que Allah a affirmées, les choses qu'il a refusées. Et nous, ce qui est, comment la créature y fait face, soit elle accepte, elle y croit, soit elle le refuse. D'accord ? Quand elle le refuse, c'est le dément. Bien qu'elle n'a pas le droit de le faire. Et par rapport au char et au qadar, ce sont des choses qui tournent entre l'interdiction, qui sont basées sur le talab, la demande, donc qui tournent entre l'interdiction et l'interdiction. Comment la créature fait face à cela ? Soit elle se soumet, elle obéit, ou soit elle refuse, elle désobéit. Bien qu'à la base, l'obligatoire d'obéir. Quand on dit la créature, on dit le mukallaf. Donc nous, on doit décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a fait lui-même. Et comme on fait les messagers. Sans rajouter, sans enlever, sans chercher à représenter, ni à comparer. D'accord ? Et ni à altérer les textes. On accepte cela. Et cela est basé sur deux preuves. Celle des textes et celle de la raison. Les textes, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans son livre. Il a les plus beaux noms. Qu'il n'y a rien qui est comme lui. Qui est Samir al-Basir. Et qu'il ne faut pas le comparer à sa créature. Ça, c'est les textes. Le Sama Sam'i wa Athari. Et la raison, elle, suit ce texte-là en disant que, à la base, ces choses-là, je ne les connais pas, moi. C'est des choses que je ne connais pas. Donc, forcément, ma raison fait que je m'arrête à ce que Allah subhanahu wa ta'ala me dit de faire. Ce qu'il me dit sur lui, je l'accepte. Et ce qu'il refuse, je le refuse. Et je ne vais pas en avant. D'accord ? Hadha. Fa ila huna. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.